rien d'autre à offrir que ça. Entends-moi, ni diamant ni rubis que moi. Vois-moi, la richesse n'est pas celle qu'on croit. Entends-moi, abandonne tes affaires et suis-moi. Combien de temps avant qu'elle ne succombe sous nos vices? Combien de temps supportera-t-elle encore ses supplices? Combien de temps avant qu'elle ne succombe sous nos vices? Combien de temps supportera-t-elle encore ses supplices? Thank you.